Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon frérot parisien, Mohamed, a.k.a. le chimiste. Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Super, super. C'est vraiment un plaisir de te recevoir dans ce podcast et j'espère qu'on va avoir de belles anecdotes. Plaisir partagé, mon pote, plaisir partagé. Mais écoute, c'est à toi, hein, à toi de nous dire. Tu veux que je t'en raconte deux? J'en ai deux. Si t'en as deux, vas-y, balance. Ma première, c'est mon premier bide. Franchement, déjà ça commence bien. Attends, j'arrive, le Field, tu connais le Field? Ah, le Field, c'est en fait, c'est la scène, ultra connu. C'est ouais. La scène mythique de Paris. En vrai, de vrai. La plus vieille scène ouverte, je crois. La plus vieille, elle date de 20 ans. C'est la plus connue. Et il y avait exactement. C'est le soir parce que c'était blindé de ouf. Il y avait 200 personnes. 200 personnes, je monte sur scène. Et moi, à part avant, tu vois, de deux mois qui précèdent, je suis allé conchicha. Ok, et j'avais joué conchicha et j'ai arrêté, mais j'avais que joué conchicha. J'arrive sur scène et je sais pas ce qui m'a pris. Il y avait une soirée déguisée et au premier rang, il y avait une fille. Elle était déguisée en vache. Ok, j'arrive, je lui dis comment tu t'appelles. Elle me donne son prénom. Je lui dis, mais pourquoi t'es déguisée en vache toi? Je dis parce que en fait on n'a pas besoin. Là... Ouais, donc t'as fait une vanne en fait qui en chicha aurait fait exploser la salle. Voilà. Alors que dans une scène conventionnelle il y a beaucoup d'empathie dans le public. Exactement. Et du coup c'est pas de l'empathie qu'il y a eu là. Là ils m'ont décapité. Vous imaginez 250 personnes, ouais. Personne rigole pendant 5 minutes. Les 5 minutes les plus longues sur de ma vie, la relativité générale, ça a été prouvé. Ce soir-là, sans problème. je termine le passage, je sors et je leur dis merci beaucoup pour ce bide monumental. Merci à vous. Et après, je leur demande mais pourquoi vous m'avez fait ça? Je leur dis c'est à cause de la vache. Ils ont fait oui. Je suis sorti, c'est Raoui. Ah ben écoute. Là, franchement, ouais, c'est sûr que c'est un bon bide dans les règles. Hein, mais bon, ça nous est déjà tous arrivé. Hein, c'est pas vraiment un bide en fait, je pense. C'est plus une désapprobation de ce que t'as balancé au départ. Quoi. Une désapprobation, mais je te promets que derrière, dans le côté humoriste, là, ils m'ont dézingué. Genre, c'était là, ouais, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça, t'as fait tout ce qu'il fallait pas faire. Il m'a dit, t'es sûr que tu veux continuer? En même temps. Ouais, c'est obligé de dire ça. Non, mais c'est même pas ça. Ce que je veux dire, c'est en même temps, on a tous débuté quelque part. Mais oui. Qui n'a jamais pris un bide? Qui n'a jamais pris un bide? N'importe quel humoriste. Tu sais quoi, franchement, moi, de toute façon, des fois, t'as des mecs, tu discutes avec eux et ils disent, ouais, j'ai jamais pris. C'est des mythos. Alors, où ils en ont jamais pris? C'est-à-dire, ils ont jamais joué. Ou ils ont toujours bidé. Donc ils savent pas ce que c'est, voilà. Ça peut être ça aussi. Sinon, ils ont jamais joué. Non, mais il y en a, laisse tomber. Ils te font croire qu'ils ont pas pris de bide. On a tous pris des bides, on en prendra tous encore, c'est là. Mais même Roman Frissinet, il prend des bides. Alors que lui, il est connu comme Jedi de l'humour. Tout le monde, absolument. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup pour cette anecdote. Tu m'as dit que t'en avais une deuxième, du coup. J'en ai une deuxième. La deuxième, en fait, ça s'est passé sur un de nos plateaux qu'on a créé récemment. Et en fait, ça s'appelle le Wishing Light, tu vois. Et Wishing Light Comedy. D'accord. On a créé, tu vois, récemment avec un mec qui s'appelle Cody. Ok, c'est le boss. Ok. J'arrive dans le plateau et je mets en place la salle avec Cody. On met en place la salle et d'un coup, c'est que t'as un humoriste qui arrive. Un humoriste qui était programmé ce soir-là. Je vais pas donner son nom pour pas le. Non, c'est pas grave. Pas de souci. Je donne pas son nom, tu vois. Et il arrive, il va aux toilettes. Ok, pas de problème. Il va aux toilettes. Et je vous promets, il a démonté les toilettes. Et le problème, c'est que les toilettes, ils étaient juste à côté du micro. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'espace entre le micro et les toilettes, c'est 2-3 mètres. Ouais. Quand je dis qu'il a déglingué les toilettes, c'est-à-dire qu'il a chié et il avait une diarrhée, je crois. Il a explosé les toilettes. Il sort des toilettes, il ferme la porte, il sourit, il me dit, Mohamed, ça va, t'as passé une bonne journée. Et je sens quand il tape les mains que déjà ça pue, tu vois, il y avait un bail. Tu vois le délire. Et là, d'un coup, c'est on sent en dessous de la porte que l'odeur commence à arriver. Et je me dis, déjà, c'est pour que l'odeur elle vienne te chercher, c'est vraiment les violents, tu vois. Mm-hmm. Et là, il y a Cody, le boss, il veut aller aux toilettes. Et je lui dis, Cody, frère, je crois qu'il y a. Condamne Lulu parce que ça pue de ouf. Il me dit, non, t'inquiète. Il ouvre la porte, il me dit, ouais, mais t'as vu ça? Oh là là, il a failli dégueuler. Il a presque dégueulé par terre, tu vois. Et ça part. On condamne la porte, tu vois. On condamne le lieu. Et genre, il faut expliquer de mettre des chaises pour pas que les gens rentrent dans les toilettes. Est-ce qu'il y avait le scotch de la police, là? C'est scène de crime, machin. Non, mais le scotch de la CIA, mon pote. OVNI sur place. Non, surtout pas, ne pas rentrer. Et là, on commence le passage et je promets, l'odeur, elle se diffuse sur toute la salle. Oh là là. Les gens, ils devaient vous regarder, genre. Et l'humoriste, ce bâtard, c'est mis où? C'est mis à côté de l'entrée pour faire Zama, il avait rien à voir dans l'histoire. Alors que c'était le criminel. Heureusement, on avait les portes, tu vois, et l'odeur, elle est partie avant que tout le monde arrive. Oh là là là là. Mais non, moi, je pleurais de rire sur scène pendant que j'étais en train de présenter parce que je voyais la porte à côté. Et je me suis dit, c'est là. Ah, il a le malheur d'avoir envie de la diarrhée lui aussi. Il ouvre la porte, il tue tout le monde, il tue. Voilà, c'est n'importe quoi. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce genre d'anecdote. C'est le genre de truc qui marque, hein, c'est sûr, ça marque. Ça marque vraiment. En tout cas, merci beaucoup. On peut te retrouver où Retourne-moi sur Paris et sur le plateau Wishing Light, un peu partout, ouais, Café Oscar. Sur les réseaux sociaux, Le Chimiste. Très bien. Pas l'alchimiste. Le Chimiste. Voilà, okay. Merci à vous, les amis. Pas de souci. Merci à toi, frérot. Et puis, donc pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Voilà, j'ai simplifié, j'ai mis mon nom de famille. Avant, c'était Sofiane Humoriste, maintenant, c'est Sofiane Etaï. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour ceux qui sont sur iTunes et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas.